420 History. L'histoire du calibre. Créer un groupe qui n'existait pas. On a essayé de faire, oui, le premier pas. Des mots et moi cherchant des acolytes. Sans fierté avec un seul envie de faire des lyrics. Première recrue K-U-N-Z-O. Sans blême, bon, on a trouvé le meilleur accro. Il s'est avéré qu'il était tombé dedans. Mais ça suffisait pas, il avait un chenon manquant. Une voix harmonieuse et tellement envoûtante que des sirènes pouvaient dégager du chant. Miracle, voulant poser sur une de nos chansons. Voilà que Malcolm a pu faire l'unisson. C'est comme ça que naquit le calibre. Et à l'entraînement, on était tous libres. Libre de que ce qu'on avait envie. La réalité et non la fiction. En un mot, boy, la vie. En un mot, boy, la vie. En un mot, boy, la vie. Écoute, écoute, boy, écoute notre histoire. Cani 420. T'as son enfer noir. Écoute, écoute, boy, écoute notre histoire. Cani 420. En partant de rien. Écoute, écoute, boy, écoute notre histoire. Cani 420. La son le fait noir. Écoute notre histoire, Kali 420. En partant de rien. Mon premier, cas comme qui tient mon deuxième. Libre comme Zazo, mon troisième, 4-2-0. Nous porte le flambeau, mon tout Shinjo, Kunzo, Malcolm, Demo. Il fait le calibre, 4-2-0. Trois angles d'existence, des assis la fréquence. Le 4-2-0, dégomme l'arrogance avec élégance. Trois ans d'existence, mes rap dans nos oreilles depuis avant. Nous viens pas faire l'essai, mais sur votre poutest. La serve à ou dans notre resto. Au 4-2-0, dans notre resto. Au 4-2-0. Écoute, écoute, boy, écoute nos histoires. Cani 420. La zone en fait noir. Écoute, écoute, boy, écoute nos histoires. Cani 420. En partant de rien. Écoute, écoute, boy, écoute nos histoires. Cani 420. La zone en fait noir. Écoute, écoute, boy, écoute nos histoires. Cani 420. En partant de rien. Sans me rendre compte, j'étais déjà dans le flow. Écrivant des textes, mais sans prendre le micro. Calibré pour les mots, je n'étais que le 4-2-0. Troisième balle, tout chargeur, je me présente, c'est Kunzo. Enfer ou le paradis, on avait déjà tout vu. Au fil du temps, nos esprits ont bien mûri. Enfermés dans une salle avec un poste de radio. On écrit la réalité, ce que t'entends en stéréo. Trois années de pure galère, puis enfin dans les bacs. 2001, on représente sur toute l'île et à la FNAC. Tes amis t'aiment encore plus, tes ennemis deviennent refrais. Y'a ceux qui t'apprécient uniquement pour ce que tu fais. Nous on s'est toujours juré de garder les pieds sur terre. Même si popularité nous envoie des courants d'air. Y'a Calibre 420, Inch'Allah, l'histoire continue. Écoute, écoute, boy, écoute notre histoire. Cali 420, la zone en fait noir. Écoute, écoute, boy, écoute notre histoire. Cali 420, en partant de rien. Écoute, écoute, boy, écoute notre histoire. Cali 420, la zone en fait noir. Écoute, écoute, boy, écoute notre histoire. Cali 420, en partant de rien. M-A-L-C-O-N-M. Sortant l'expérience malheureuse. Rencontre quelque peu hasardeuse. Quand soudain, oui, sur ma route, trois gages croisis. Et c'est ainsi que le calibre naquit. J'étais à l'aise avec des potes que je considère maintenant comme des frères. Vibration musicale que j'écris pite et terre. Parole du petit Malcolm, le quatrième pilier. Avec la musique, je suis né et je crois que je m'en irai. Que je m'en irai. Cani 420, la zone en fait noir. Écoute, écoute, boy, écoute notre histoire. Cani 420, en partant de rien. Écoute, écoute, boy, écoute notre histoire. Cani 420, la zone en fait noir. Écoute, écoute, boy, écoute notre histoire. Cani 420, en partant de rien. Écoute, écoute, boy, écoute, écoute, boy. Écoute, écoute, boy. Écoute, écoute, boy. Écoute, écoute, boy. Écoute, écoute, boy. Cali 420. Écoute, écoute, boy. Partant de rien. Écoute, écoute, boy.